Semaine sur Fun Radio avec toute l'équipe qui est là. Et alors on va pas faire semblant de faire genre ouais on est en forme, non, on est crevé. On est mort, c'est un peu comme si on était sorti en boîte genre et qu'on venait de rentrer, je vous jure. On a fait la fête hier, c'était la dog pool party avec tous les auditeurs de Fun Radio. Et ben tu sais quoi, faire la fête avec des chiens, et ben c'est fatigant. Moi j'ai l'impression que j'ai pas eu de week-end en fait. Mais tu m'étonnes. Ça a fait vendredi, lundi matin, je sais pas où sont passés ces mais deux jours. Mais c'était trop cool, sérieux, ouais. C'était l'éclate, ah ouais. La piscine, les DJ, les trucs à bouffer, j'ai même bouffé des friandises pour chiens. Allez, c'était le jour de la première expérience. Rien à foutre, on a peur de rien. Moi j'ai bu la bière pour chien, c'était pas dégueu. Et ben c'est un petit goût de poulet comme ça, j'ai goûté aussi. C'est bon. Il y avait deux goûts, il y avait poulet et bœuf. Y'a que moi qui ai mangé les chips qu'il y avait sur la table ou... Moi aussi, non, j'ai pas En fait, il y avait pas de chips, hein, c'était les trucs pour chien. Voilà, c'était des trucs frites. T'as vraiment bouffé les trucs sur la table? Ah, c'est pas des chips. Mais non, c'était les trucs. C'était des bœufs frits comme ça. Séché. Oh le con. Tu vois, c'est pour les chiens, quoi. Je me disais bien que mon estomac réagissait de manière un peu bizarre. Fab, je suis inquiète pour toi, vraiment. Et il y avait plein d'auditeurs qui étaient là, plein de chanceux qui ont pu participer à cette première dog pool party de Belgique. Il y avait notamment Mélanie qui était avec nous, qui vient de Saint-Aulouin. Saint-Aubin. Saint-Aubin, c'est mieux, ouais. T'as qu'à écrire correctement, hein, toi aussi, c'est le prix. Salut Mélanie, ça va? Salut, ça va et vous? Ah bah écoute, nickel. Mélanie, t'es remise de la dog pool party? Un peu fatiguée. Bon alors, c'était comment? Fais rêver les auditeurs qui n'ont pas pu y aller là. Franchement, c'était nickel, super ambiance, le cadre était juste magnifique quoi, super cool. Et t'étais contente là des cadeaux? T'étais tenue à quoi comme chien encore ma Mélanie? Oui. Avec un croisement avec un malinois et un griffon, c'était ah oui, c'est celui qui kiffait l'eau. C'est ah oui, c'était avec sa balle et tout. Ah, il était à fond dedans lui, hein. Lui, tu le cherchais, ouais. Piscine, il y a piscine. Voilà. Ouais, c'est ça quoi. Bon ben vous êtes bien éclatés. Ouais, super, franchement nickel. Ah bah ça nous fait plaisir Mélanie. On te fait des gros gros bisous et puis si t'as des photos et tout, tu les passes sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey, hein, d'accord? Ah bah il y a ma sœur qui est passée dans la Nouvelle Gazette, hein, si jamais. Ah parce que maintenant c'est la star. Ça y est, c'est les Kardashians de Saint-Aubin quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool parce qu'ils ont fait plein d'articles sur cette dog pool party. On va tout vous partager de toute façon, ouais, sur la page de l'émission. Et vous pourrez voir la sœur de Mélanie à poil dans la piscine avec son chien. Ah. En direct sur la Nouvelle Gazette de Charleroi. Mélanie, je te fais des gros bisous. Bisous, salut. Bonne soirée et restez bien à l'écoute de l'émission parce que les surprises c'est non-stop sur Fun Radio. Vous savez, on aura un invité vendredi. Ah bon? Bah ouais, Soprano, oui. Baba, ah. Soprano qui sera avec nous dans la Piwa. Et comme on est cool, on n'a pas envie d'en profiter tout seul. Vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous allez pouvoir voir Soprano en vrai. Bon ça! On va vous filer des places pour venir en direct dans l'émission ce vendredi pour voir Soprano. On vous explique tout ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Dans un instant, on aura le son de Kung sur Fun Radio. On va se faire un petit Major Lazer là avec le featuring de Justin Bieber. C'est ce qui arrive après l'actu de Carlo. Bonsoir Carlo. Allô Audrey, salut à tous. Le gouvernement est enfin parvenu à boucler le budget. Je vous rappelle qu'il s'agissait notamment de combler un trou de plusieurs milliards et ça n'a évidemment pas été tout seul, hein. Mais bon, le Premier ministre Charles Michel a eu le grand plaisir d'annoncer hier devant les députés que tout était réglé. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas toucher aux allocations de chômage, hein. On avait parlé de dégressivité, un système qui existe déjà d'ailleurs, mais le système ne va donc plus évoluer pour le moment, en tout cas. Pas non plus d'augmentation de la TVA et on ne touchera plus à l'index. Bon, bah, c'est donc les bonnes nouvelles, mais il y en a des mauvaises aussi, avec le précompte mobilier qui va passer à 30%. Pour ce qui est des soins de santé, les antibiotiques vont coûter plus cher. Les pensionnés qui prendront une retraite anticipée gagneront moins. Enfin, nous avons la fameuse flexibilité du temps de travail, avec la possibilité de bosser 45 heures semaine. Mais attention, la moyenne hebdomadaire restera de 38 heures, donc il y aura moyen de récupérer toutes ces heures sup éventuelles. L'État islamique est-il en passe de perdre son dernier bastion en Irak? Toujours est-il que l'armée irakienne a lancé l'année dernière une vaste opération contre la ville de Mossoul aux mains de Daesh depuis 2 ans et demi. Une opération qui risque de prendre du temps. Hein. Dans un premier temps, il va s'agir d'encercler la ville avant des combats de rue qui risquent de faire mal. Il faut savoir que les djihadistes préparés à cet assaut depuis longtemps sont au nombre de 5000 environ. Et surtout, la population de Mossoul est estimée à 1,5 million d'habitants, dont la sécurité est évidemment menacée. En football, la 10e journée de championnat a été très favorable au Sporting, Sporting avec S en pluriel, celui d'Anderlecht d'abord le nouveau leader après sa victoire de justesse face à l'Aukeren et surtout la lourde défaite de Zulte Waregem à la Gantoise 3-0 et puis le Sporting de Charleroi victorieux de Bruges, champion en titre et qui grimpe à la 3e place à 2 points à peine du leader. Pour le reste, le Standard sort du top 6 après son nul 3 partout à Courtrai. Moucron a fait match nul aussi contre Genk et Eupen, le promu, se retrouve lanterne rouge suite à sa défaite 4-2 à Westland. Enfin, vous avez peut-être constaté dans la nuit de samedi à dimanche que la lune était plus grosse que d'habitude et qu'elle avait une teinte orangée. On appelle ça le phénomène de la lune rousse. Même qu'on y aura encore droit en novembre et en décembre. Alors d'abord, pourquoi notre satellite naturel est-il si gros? Eh bien, c'est parce qu'il a atteint le point de son orbite où il est le plus proche de la Terre. Et là, pourquoi cette étrange couleur? Ben ça, c'est dû au fait que la lumière du soleil qui l'éclaire est filtrée en passant au travers de l'atmosphère terrestre. Et en parlant de soleil, on va peut-être passer à la météo. Hein. Ce serait une bonne idée. Fun Radio. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. On a Marine qui est déjà branchée là dans la pioire et qui nous demande comment on fait pour nous écouter depuis Namur. Et bien c'est le 107.5. Voilà, restez bien connectés sur Fun Radio. Dites-nous comment ça se passe vous de l'autre côté. Est-ce que ça a été ce week-end? On veut tout savoir. 30-44 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi, on va les lire juste après justement la météo. Alors, ce week-end c'était top, aujourd'hui c'était top. Est-ce que demain Carlo il va faire beau? Bah, demain ça va pas être top du tout avec le retour de la pluie et des averses en cours d'après-midi. Les maxima sont compris entre 11 et 15 degrés. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie du son de Kungs. Salut. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 euros. Prix d'amis. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. L'Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. bienvenue sur Fun Radio avec Major Lazer et Justin Bieber. Il y a aussi Axwell et Ingrosso. Rien que pour vous dans 5 minutes sur Fun. Avant ça, je fais un appel national. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, il m'arrive quelque chose de grave, les copains. Vraiment, de très grave. Ce week-end, j'ai appris quelque chose. Une de mes meilleures amies est enceinte. Oh merde. Non, mais ça c'est bien. Et c'est toi le père. Non. T'es con. Non, c'est pas une... en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est plutôt sympa, c'est cool. Bah c'est quand même. Sauf qu'à un moment donné, elle se tourne vers moi, elle me dit: dis, tu sais, il y a un nouveau truc à la mode qui est sympa là. La baby shower. Attends. Ouais, j'ai fait pareil que toi, Sandro. J'ai fait la baby quoi. Une douche de bébé, la baby shower. Une douche de bébé. Littéralement, tu prends ta douche, il y a des bébés qui tombent. Ça a l'air sympa. Tu te laves avec des bébés au fait. Il y a certains pays où c'est interdit, mais chez nous c'est autorisé. Ouais, bah nous avec les enfants, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées en Belgique, hein. Mais globalement, quand elle m'a dit baby shower, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que... Elle dit bah en fait, je pensais à toi pour organiser la baby shower. Et je ne savais pas ce que c'était jusqu'il y a encore 24 heures. J'étais tranquille, j'étais bien moi, tranquillou dans mon coin. Et puis là elle m'a dit non mais vas-y, il faut que tu organises ça pour moi. Le 11 décembre, il ne me reste donc plus que 2 mois pour organiser cette satanée baby shower. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ça consiste en quoi ce machin? Eh ben justement, je n'en sais que dalle. Je sais juste que c'est une réunion avec des filles et qu'il faut faire des trucs. Et alors, pour ceux qui écoutent l'émission, vous me connaissez, je suis pas du tout féminine. Je ne sais pas. Mais t'es sûr que c'est une bonne amie à toi cette meuf? Mais oui, vraiment, parce que c'est ça. Non, mais si on te connaît un peu, on sait que le truc que t'aimes pas, ça s'appelle un enfant en fait. C'est pas que j'aime pas, c'est que je sais pas comment ça marche. C'est que y a pas d'enfant dans ma famille. Ça marche pas justement. Quand mais non, mais justement, je sais pas comment gérer ce truc. Et donc là, pire encore, organiser carrément une fête avec des filles, des vraies, pas comme moi, des vraies filles qui mettent des talons et tout ça, tu vois, et qui vont venir faire des trucs trop bien avec pour leur bébé. Ah, c'est pas du tout moi ça, comment je vais faire? Et le machin, elle est déjà sorti? Mais non, non, justement une baby shower. Alors, mais quel est l'intérêt? J'ai été un peu me documenter pour voir un peu à quoi ça sert une baby shower. En fait, en gros, c'est une fête avec toutes tes copines avant que t'accouches justement, et tu dois venir avec des petits cadeaux. Et toi, en échange, tu dois organiser des jeux, changer une couche le plus vite possible. Tu vois, je dois faire des trucs comme ça. Il faut que tu fasses des cupcakes. Des cupcakes. Dans, moi, j'ai une tête à faire des... comme ça. Ils font des cupcakes. Il faut que tu fasses des cupcakes bleus. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai cuit des pâtes sans eau. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire un cupcake? Si tu dois te démerder. Avec des bébés dessus. C'est vrai, il a pas tort, hein. Alors, des cupcakes, des couches, tout. C'est que je me dis que ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on a normalement, j'espère, des auditrices, des vraies filles qui savent peut-être ce que c'est une baby shower. Ah, je pense bien. Et qui pourraient m'aider, s'il vous plaît, les filles. J'aimerais bien clôturer ce truc aujourd'hui. Je compte sur vous pour m'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire à une baby shower si vous avez des idées de jeux, de recettes, j'en sais rien. Help quoi. Venez m'aider si vous avez déjà organisé une baby shower. Franchement, vos conseils sont les bienvenus, hein. 30-44 pour vos messages. On va les lire à l'antenne comme ça. Moi je me fais un petit planning quoi. Je suis vraiment grave dans la merde sur ce coup là Sandro et moi on va t'aider pour un jeu de donnage de sein le plus rapide du monde. Mais non, allez, on compte sur vous. 30-44 pour vos messages. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will still be patient. This is my station. Fun Radio. Fun Radio. The Sun Dance Floor. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. Après-midi se passe bien là de l'autre côté de la radio. On passe la soirée ensemble hein, jusqu'à 20h avec le son de Soprano, Sopran Baba, qui sera avec nous ce vendredi dans l'émission. On aura d'ailleurs des places à vous filer pour venir en direct ici chez Fun Radio, dans le studio avec toute l'équipe de Fun Radio, avec l'équipe nous. De la Power, Soprano, toute son équipe aussi. Parce que lui, quand Soprano il vient pas tout seul. Hein. Ils sont au moins 40. Je sais pas trop tout ce qu'ils font, mais ils sont tous très gentils. Donc ils seront là et vous aussi, restez bien à l'écoute de l'émission. Ça peut tomber à n'importe quel moment avant 20h. Avant ça, je vois vos petits messages qui arrivent au 3044. On parle bébé. Je ne pensais pas qu'un jour, je parlerais de ça à l'antenne de Fun Radio, puisque. Si vous me connaissez bien, vous savez, non pas que je n'aime pas les enfants, mais ça me fait peur. En fait, vraiment, je suis une flippée des enfants. Sois honnête, tu les aimes pas trop. Non, non, vraiment, je les aime bien, ils sont gentils, c'est mignon. Mais alors, dès qu'il y en a un qui vient près de moi, je sais pas ce qui se passe, j'ai une réaction de... D'allergie. Non. T'as envie de prendre une batte mais de baseball non. Et de dégager un coup de batte. Mais non, c'est juste, ça me fait peur. Je sais pas comment ça marche. Pourquoi ça te fait peur? Bah, par exemple, j'ai une petite nièce. Ouais. Et ben, je sais pas comment faire avec elle. Quand elle vient, elle me regarde, je la regarde, je lui parle comme un enfant, tu vois, je fais pouti pouti pouti. Et elle non, me regarde, c'est elle pas me comme un enfant, tu parles comme un chien. Ça, leur chihuahua. Mais voilà, tu vois à quel point je suis mauvaise, je sais pas m'y prendre. Et le problème, si vous venez de débarquer sur Fun Radio, c'est que ma meilleure amie est enceinte et je dois organiser sa baby shower. Moi non mais Audrey, déjà, quelle idée d'être enceinte, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est mignon. Faut lui dire pourquoi tu as fait ça. Tu ouais, aurais pas ce elle problème. Elle va certainement d'ailleurs regretter le fait de m'avoir nommée organisatrice de sa baby shower. Donc je compte sur les auditrices qui sont à l'écoute de l'émission et les auditeurs. Hein, peut-être que vous aussi, vous connaissez ce qu'il faut mettre dans une baby shower. Moi, aucune idée. On a Natacha qui est là, qui vient d'Anderlu. Natacha qui va peut-être pouvoir m'aider du coup. Bonjour Natacha. Hello. Ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Natacha, ta voix résonne comme un soulagement. Oh mon Dieu. Elle a encore rien dit. Hein. Ah, je te jure, je suis en panique, mais je suis en flip total quoi. Non, mais il faut pas. Ah. Pas, tu vas voir que ça va aller. Bon, va aller. Natacha, qu'est-ce qu'il faut dans cette satanée baby shower? Mais écoute, moi, j'ai participé à la baby shower de ma filleule. Ouais. Mais c'était une autre copine qui était l'organisatrice. Qui était dans la merde, donc, dans la merde. On j'étais appelle ça. Dans la merde. Non, en fait, on fait des cupcakes, on fait plein de petites pâtisseries, etc. Donc en fait, tu ne fais que des buffets de pâtisseries. Juste à te faire péter le foie. Oui, mais Natacha, je ne sais pas faire de pâtisserie. Tu les achètes ? Non, mais ça non. En fait, tous les invités viennent avec un dessert. Ah, mais on m'a pas dit ça. Il faut faire participer tout le monde. Ah, oui, d'accord. Voilà. Mais une question, pourquoi les femmes, elles se réunissent pour bouffer alors qu'il y en a une qui est enceinte et qui va quand même prendre 60 kilos pendant la grossesse? Bah, comme ça, nous aussi, on prend des kilos, c'est cool. Vous grossissez par solidarité? Exactement. Bah, voilà, d'accord. Voilà, alors c'est bon, voilà, buffet de pâtisserie, etc. Et alors après, tu fais des petits jeux, mais alors il y en a un qui m'a vraiment marqué très fort parce qu'en fait, c'était dégueulasse. Paf le bébé. Excuse-nous Natacha, mes femmes et ses idées à la con, je te jure. Et donc tu nous disais le jeu qui t'a marqué. Donc, l'organisatrice en fait, donc elle choisit un cadeau pour la gagnante. Donc elle fait un petit jeu. Donc elle prend des petits pots Olvarit ou enfin bref des petits pots de nourriture. Ah, un truc dégueulasse. J'allais dire, ouais, c'est voilà. Quoi et des pots Olvarit quoi. Oui, les petits pots Olvarit. Enfin je ne sais plus les marques, etc. Ça fait bien longtemps. Des trucs à bouffer quoi. Voilà, des trucs à bouffer pour bébé, ils ouais. sont bien dégueulasses. Bref, donc elle fait, donc elle prend, je sais pas moi, quatre pots différents, quatre ou cinq pots différents, et elle fait goûter chaque personne qui sont présentes, et toutes les personnes doivent deviner les ingrédients qu'il y a dans ces pots. C'est marrant ça. Ouais, mais c'est dégueulasse les pots pour bébé. Moi, c'est vachement dégueu. C'est pas très bon. Hein. Ah. C'est vraiment un concept c'est vraiment bizarre, Natacha. C'est, ouais, c'est vraiment le jeu qui m'a marqué le plus parce que c'était vraiment infâme. Et donc, et la gagnante. Moi, je veux pas bouffer des pots pour bébé. C'est quoi ces conneries? Voilà, je le savais que ça allait pas me plaire, les baby showers. Et le but du jeu, c'est le premier qui vomit en fait. C'est ça. Comme c'est toi l'organisatrice, tu dis, mais moi, je participe pas. Voilà, c'est ça. Moi, j'organise. Je peux pas tout faire. Tu comptes les points. Tu comptes les points. Voilà. Natacha. Natacha, merci beaucoup pour tes petits conseils. Mais de rien. Tu es un peu ma sauveuse aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, Nat. Gros bisous à tous. Bisous, bisous. Il y a Marie qui me dit pour la baby shower, on avait mis toutes des photos de nous bébés. La maman devait retrouver la bonne personne. Non, mais alors, non seulement il faut faire des pâtisseries, mais en plus des jeux. Et il faut de l'imagination. Et moi, si je fais des jeux comme sur Fun, ça compte ou pas? Tu vas faire des tic-tac boum. Ouais, la foutre. Non, mais si vous avez une idée de jeu que je peux faire à la baby shower, un jeu avec des bébés ou sur base de bébés, allez-y. Vous envoyez vos petits messages au 3044. Je vous lis après le son de Soprano Baba, Soprano. Je suis en feu, c'est ce qui arrive. Et puis juste après, il y aura le nouveau Henri PFR, juste pour vous sur Fun Radio. C'est la première fois qu'on diffuse Reste ici. Cette semaine chez Lidl, 31% de réduction sur les poires conférences, soit 89 cents le kilo. Donnez ces bonnes poires à vos enfants maintenant, parce que plus tard en côte, ils penseront plus à boire qu'à des poires. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous l'utilisez quand, votre carte de crédit? Nous, on n'en a pas. Heureusement, parce qu'elle a déjà assez de chaussures. Ah, ma carte de crédit, jamais. Ah, par contre, la sienne. Comment ça? Surtout en vacances. Ah ouais, à propos de vacances, tu devais pas m'inviter à Venise? Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois, carte de crédit incluse, sous réserve d'acceptation de votre demande. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. Dans le monde de Bernard, tout tourne autour des chiffres. Normal, il est expert comptable. D'ailleurs, il a calculé que le plus intéressant, c'est d'acheter une voiture d'occasion de 2 ans. Mais ce qui le dérange, c'est de payer son Omnium le même prix que pour une voiture neuve. Bernard a raison. C'est pourquoi PEV lance l'Omnium Auto dont la prime diminue d'année en année. Découvrez PEV Auto, la nouvelle assurance qui s'adapte à vos valeurs et à celles de votre auto. Plus d'infos dans votre agence PEV ou sur pev.be. PEV Assurance, avec vous quoi qu'il arrive. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye, des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43. Le numéro 2, la Citroën DS3 de Sébastien Loeb et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Ah, laisse tomber. Je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Hey, comment te dire? Je pars faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs.

New Music, découverte Fun Radio. Dans un instant, il y aura du cadeau pour vous. Peut-être bien des places pour aller voir David Guetta. Je dis ça, je dis rien. On vous explique tout ça juste après le nouveau son d'Henri PFR. Maintenant sur Fun Radio. Welcome tout le monde. PFR sur Fun Radio. Il paraît que Henri PFR sera bientôt notre invité. Ah ouais, le petit ouais. Henri là. Mmh, le petit ouais, est plutôt pas mal hein, le minou, il est plus si petit que ça hein. Ah bah, allez, on file du côté des routes. L'infotrafic dans la P Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. On aura le son de Rihanna et Drake dans un instant. Et je vois tous vos petits messages qui sont arrivés là au 3044 concernant la baby shower. Vous venez à ma rescousse, c'est trop mignon. Je dois organiser une baby shower pour ma meilleure pote, j'ai pas d'idée. Du coup Stéphanie qui me dit, moi j'avais banni le mot bébé. Toutes les personnes qui disaient ce mot avaient un gage. Hein? Ah oui, d'accord, ouais, comme ça, si tu dis bébé, tu dois faire un truc. Et ils boivent de l'alcool. Ouais, c'est très bien. Ouais, ouais. Non, quand t'es enceinte, tu peux pas, je crois. Bah, tout le monde boit, sauf elle. Oh non, et après, elle nettoie. Mais non, c'est une fête pour elle, ça se fait pas. Coralie me dit faire un quiz sur les bébés connus. Y a des bébés connus? Oui, combien de temps ça met au four? Si on les met dans les congélateurs, combien de temps pour le congé? Non, c'est dégueulasse. Céline qui me dit deviner le tour de taille de la future maman. Oh, c'est ah, pas ça cool. Ça fait drôle ça. Oh, ouais. Oh, t'as dû prendre au moins 30 cm. Sinon, pour les. Je sais pas si les papas peuvent être là. Non, c'est que les filles. Merde, sinon. Hello.

my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Et c'est un peu comme si on était encore un peu en vacances là, non? C'est bon ce son. Allez, bouge tes fesses dans ta voiture. Merci de vous être branchés sur Fun Radio. On reste ensemble jusqu'à 20h avec le son dance floor et bien de Julien Peretta qui arrive dans un instant. Il y aura aussi David Guetta. David Guetta, hein? Qu'est-ce que David ça veut dire? Guetta. Peut-être bien qu'il y aura des places. Bah ouais, bougez pas. Bip. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, avant de voir s'il y a des places qui vont tomber là pour aller voir David Guetta en concert avec Fun Radio, on va se faire l'horoscope et on va vous dire si vous n'êtes pas un peu fainéant. Vous voyez Fab, tout le monde s'y suit bien, ouais. Le Fab, et ben voilà, dites-vous si vous êtes un peu comme Fab, vous êtes un gros fainéant. Hein, c'est vrai, hein? Oui, je suis un fainéant, moi, vilain fainéant. Je suis un gros fainéant. Pourquoi est-ce que quand tu parles, on dirait un film de boule, tu vois, genre. Oui, donne-moi la punition, la fessée. Oh, ouais. Parce que je suis un méchant. Excusez-moi, mais ça va, les gars? Vous voulez qu'on en parle ou pas? On parlait juste de fainéantise. Ouais, c'est ça, on va vous dire si vous êtes fainéant. Les béliers. Alors vous, je sais pas, mais moi oui, donc c'est pour ça que votre signe, en fait, j'ai même pas cherché. Les taureaux. Vous êtes tellement fainéant que même procrastiner, c'est trop dur pour vous. Vous remettez tout, pas au lendemain, mais à jamais. C'est quoi procrastiner? Je vais t'expliquer juste après. D'accord, les Gémeaux. Je sais que vous savez pas ce que le mot procrastiner veut dire, mais vous êtes trop fainéant pour aller voir dans le dico ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire tout remettre au lendemain. Procrastiner? La procrastination. Wow. Moi j'ai un diplôme en procrastination. Et tu utilises des mots. Toi aussi, apprends la langue française. Wow, avec femme. J'ai le cancer. Même quand vous faites l'amour, vous êtes fainéant. Généralement, vous faites un aller et pour le retour, vous faites du stop. Lion. Vous ne bossez pas parce que pour bosser, il faut trouver du travail. Pour trouver, il faut chercher. Et c'est là que vous vous dites, non mais tu sais quoi, en vérité, je suis déjà claqué. Vierge. Vous n'êtes pas fainéant, vous venez de Charleroi, c'est pas pareil. Réussir à rien foutre, ça fait partie des coutumes locales. Et alors, on en est fiers, nous, monsieur, de rien foutre, hein, les balances. Vous êtes tellement fainéant que si vous aviez vécu à l'époque des hommes préhistoriques, ben on attendrait toujours le feu, en fait. Les scorpions. Votre devise, c'est ne fais pas aujourd'hui ce que tu peux faire demain ou après-demain ou un autre jour ou jamais. Et les sagittaires. Vous êtes tellement fainéant que vous évitez de marcher au soleil pour ne pas devoir tirer votre ombre. Les capricornes. Vous êtes fonctionnaire et contrairement à ce qu'on croit, le matin, vous dormez jamais au bureau. Sinon, vous sauriez pas quoi faire l'après-midi. Les Verseaux. Vous êtes tellement fainéant que vous levez tous les jours à 6h. Vous levez tous les jours à 6h du matin, comme ça vous pouvez rester plus longtemps à rien faire. Oh, c'est tellement bien ça. On termine avec les poissons. Vous êtes fainéant au carré exposant 1000. Vous mangez vos crottes de nez pour ne pas devoir chercher un mouchoir. Ah. Est-ce que t'as déjà fait un calcul carré exposant 1000, toi? Bien sûr. Ouais, alors 2 exposant 1000, ça fait combien? Ça fait, au carré ou pas? Ah bah 2 exposant 1000. C'est pas au carré, t'es con quoi? Au carré, ça veut dire c'est un 2 au-dessus. Ouais, mais tu veux. Oh là là, il est con celui-là. Je te propose, tu veux le 2 exposant 1000, je te le mets au carré ou je te le fais simple? Il est con? Ou c'est moi qui suis con? 2 exposant 1000, c'est 2000, voilà. Vous êtes sûr? Je n'ai pas fait de maths. Mais non, on va laisser Audrey chercher la bonne réponse. Bah, deux fois. C'est pas. Écoutez, on va écouter Julien Peretta, hein, bienvenue sur Fun Radio. Come and do your part. Come and come on. Cause she broke my heart. And even though you're such a bitch, I need you now. Come and come on. Don't you let me down, don't you let me down. And I knew it. Got me feeling stupid. Now I need a little help. Cause I won't make it by myself. Anger told me that I couldn't get no sleep. And I don't think I wanna talk to jealousy. So karma, karma, come and do your part. David Guetta, que ça se passe. C'est bon ça. To you baby. Attention. Oh yeah. Bah ouais. Bon, sur ça, on s'est à cause de Fab, on s'est mis un peu dans la merde. À cause de vous. Ah non, on était en train de parler de calcul. Et du coup, je t'ai lancé sur 2 exposants 1000. Exposants 1000, combien ça fait? Eh ben, tu sais quoi, impossible de répondre. La réponse est très simple, Audrey, je vais t'expliquer. Alors, tu pars du principe non, que 2 exposants 1000, espèce de gros mytho, 2 secondes, attends, tais-toi, espèce de sale. Merci Google. Non, il a dit non, 2 exposants 1000, ça fait 2000. Eh ben, tiens. J'ai simplifié. Non. C'est 2000 fois plus compliqué. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Heureusement, il y a quelqu'un d'intelligent autour de cette table, c'est Alison, notre stagiaire, l'intello de service. C'est Google, ce qui est intelligent dans le studio, d'accord? Elle a été sur Google. Eh bien, elle fait des jolies recherches, Alison. Voilà. Alison, t'as la réponse, 2 exposants 1000, ça fait combien? Ouais, alors ça fait 10 trillions 50 000 millions 86 000 millions 718 alors 62 ouais, milliards. Ouais, bah finalement c'est bon, on veut plus savoir. C'est quoi aussi, personne fait jamais 2 exposants 1000 quoi. Franchement, il y a que sur Fun Radio qu'on peut se prendre la tête avec des conneries paillailles, hein. Mais oui, c'est paillailles, hein. Avec c'est des vrai, conneries paillailles, hein. C'est comme un bob wishim quoi. Bon, allez, restez bien branché sur Fun Radio, ça va aller, c'est lundi, l'équipe pâte à cap, on sait plus parler ici, nom de Dieu. Mais on va se remettre dedans avec le son de David Guetta qui arrive, le nouveau ici juste après. Il y a un deuxième David Guetta, ça veut dire que vous pouvez repartir avec vos places les gars, pour Bim. Aller le voir. Il sera du côté de l'Etias Arena d'Asselt le 21 octobre, c'est déjà ce vendredi. À vous de jouer, si c'est le cas, concert par SMS au 6322, c'est ce qu'il faut envoyer. Bonne chance tout le monde. Ce matin, c'était ça. Qui est cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram? Et je te passe en plus un extrait de la chanteuse. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Vous connaissez les Spritz, les cocktails italiens? Bien sûr. Mais c'est Whitney Spritz, un peu bourré, mais super sympa. C'était Selena Gomez. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Hello, c'est Hip. Il y a encore des offres de génie incroyables dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour, comme la PlayStation 4 1 Tera avec le tout nouveau jeu Call of Duty Infinite Warfare pour seulement bam, 365€. Et c'est uniquement valable jusqu'à demain. Dépêchez-vous. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Fun Radio. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gon' do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up.

c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double fun. Envoyez maintenant concert par SMS au 6322. Un euro le message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio grâce à Fun Radio. Turbo Fun. Et ouais, on est la seule radio à faire ça. Cherchez pas ailleurs, ça se passe que sur Fun Radio, le dieu des platines, les gars. David Guetta, il a choisi Fun pour son concert. Vous allez pouvoir aller l'applaudir, le voir en vrai. Et sincèrement, moi j'y suis allée l'année dernière, c'est de la pure folie son concert. Sérieux, c'est énorme parce que non seulement il mixe super bien, mais il y a des effets visuels et tout. Enfin, ouais, franchement... Je me souviens que tu nous avais pas invité, ouais. T'avais dit ouais, j'ai que des places pour moi et puis je vais aller. Voilà. Et puis toi, nique ta mère. Et... Non, j'ai pas des places que pour moi, j'ai aussi des places pour les auditeurs. Ah oui, c'est juste pour ceux qui avaient pas Sandro, tu voilà, c'est ça. Dit, et après, ça dit quoi? Ah ouais, c'est ça une famille. Ouais. Allez, arrêtez d'être aigri. On a Xavier qui est là, qui vient de Bruxelles. Bonjour Xavier. Salut. Waouh, attends, Xavier, on me dit que t'as 15 ans et t'as déjà une voix pareille. Ouais. Dis, t'as mué vachement tôt, toi, fieu. Ouais. Bon, mon Xavier, qu'est-ce que tu viens d'entendre là à l'antenne de Fun Radio? Bah, le double hit. Le double David Guetta. Bah, écoute ça, Xavier. C'est gagné! Ouais, bravo Xavier, tu repars avec tes deux places pour aller voir David Guetta en concert. C'est déjà ce vendredi à l'Etias Arena d'Asselt. Ça te fait plaisir, Xavier? Oh, génial. Ouais, en c'est, plus, tu restes bloqué. Hein. Oh, génial. C'est la première fois que je joue. Ouais. Direct, boum. Ah, bah voilà. Bah écoute, ça nous fait plaisir, mon Xavier. Tu nous feras des photos. Tu nous mettras tout ça sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Tranquille. D'accord. Tranquille. Gros bisous, mon Xavier. Félicitations merci. À toi. Bonne merci, soirée. C'est génial. Et si vous aussi voulez repartir avec vos places là pour aller voir David Guetta, un petit conseil, restez à l'écoute de Fun Radio pendant toute la journée. Ça peut tomber à n'importe quel moment. On aura encore du cadeau pour vous dans un instant. Je vous dis juste un truc. Soprano. Fun Radio. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. À 18h, il est l'heure de s'informer maintenant sur Fun Radio et c'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Le travail a repris aujourd'hui à la FN de Hercel après une grève de 24 heures, mais ça ne veut pas dire que le personnel est satisfait pour autant. Hein. Pour vous dire, la haute direction n'a pas pu entrer dans l'usine, elle. Le problème, c'est le manque de boulot alors que les carnets de commandes sont remplis. Comment se peut ? C'est bien, ça se peut parce que ce sont les usines américaines et britanniques du groupe qui sont approvisionnées prioritairement en pièces détachées. Voilà ce qu'expliquent les syndicats pour qui tout ça ne sont d'ailleurs pas très bons parce qu'ils craignent qu'à terme, cette situation ne mène à des licenciements chez nous. L'année passée, 828 détenus ont été libérés en Belgique après avoir effectué la totalité de leur peine. Même que c'est un record du genre, hein, qui a surtout concerné les gens qui se sont pris moins de 5 ans de tôle. Voilà ce qu'a expliqué le ministre de la Justice en réponse à une question d'un député MR. Je ne sais pas si on peut dire qu'un tel record est une bonne nouvelle, hein, d'autant que, comme l'explique Eric Mas de l'Institut National de Criminalistique, un détenu libéré au terme de sa peine se retrouve dans la rue sans accompagnement ni aucun réseau lui permettant de se réintégrer dans la société, financièrement vulnérable aussi. Bref, tout ce qu'il faut pour l'inciter à replonger. Ceux qui choisissent la liberté conditionnelle se voient eux imposer une structure, une direction. Le problème, c'est que les conditions pour une telle libération sont devenues plus strictes. À trois petites semaines maintenant de l'élection présidentielle aux États-Unis, le républicain Donald Trump est de plus en plus largué dans les sondages avec 11 points de retard sur Hillary Clinton. Mais c'est parce que tout est truqué, c'est en tout cas ce qu'affirme notre probable futur mauvais perdant. Des propos tempérés par son colistier qui a déclaré qu'avec Trump, il comptait bien se battre jusqu'au bout bien sûr, mais a-t-il ajouté, nous accepterons absolument les résultats de l'élection. Fin de citation. La Chine a lancé ce matin une nouvelle mission spatiale avec deux astronautes, ou plutôt deux taïkonautes, soyons précis, en direction du labo orbital lancé le mois dernier, et ce dans le cadre de ses préparatifs au déploiement d'ici 2022 d'une station spatiale habitée. Les Chinois ont investi des milliards dans leur programme spatial, histoire de rattraper leur retard sur les Américains et les Européens. Notez enfin que nos deux taïkonautes, qui passeront 30 jours dans l'espace, un record pour des Chinois, mèneront différentes expériences en matière médicale, de biologie, de physique, etc. Enfin, en sport, signalons le deuxième titre consécutif de champion du monde cycliste sur route du Slovaque Peter Sagan. Un bel exploit à remporter sous une chaleur extrême à Doha. Et puis en tennis, c'est l'Écossais Andy Murray qui a remporté le Masters 1000 de Shanghai. Murray qui peut sérieusement prétendre à la première place mondiale d'ici la fin de l'année. D'autant que Djokovic semble traverser une petite période de doute. Ça peut arriver. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. Il y aura le son de Chainsmokers dans un instant sur Fun Radio. On va se faire les potins et les popotins. C'est pas facile à dire, hein. Trop de popotins dans le truc. Avec de l'actu people au programme, on aura le coup de pouce, le vache time et encore du cadeau pour vous si vous rêvez de rencontrer Soprano. Restez bien à l'écoute de l'émission. On se fait tout ça juste après la météo, Carlo. Va pas faire beau demain. Dommage. Ouais, on s'était habitué au soleil là ces derniers jours. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux ? Bientôt novembre, oh. Et puis décembre, et puis janvier. Et puis les cadeaux ! Ouais ! Et puis les Juice Makers ! Ouais ! Fun. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 €. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I Jones. C'est bon ça, on va se faire un souvenir aussi juste avant avec David Vendetta. Ça arrive juste après les potins dans la P.O.R. On s'assoit confortablement. C'est fait. On se relaxe et on ne pense plus à rien. Mais pas trop. Hein. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. T'imagines le truc, le gars pas du tout glamour qui se relâche à mort dans la caisse là, tu vois, genre. Enfin, un coucou à tous les mecs qui viennent de se lâcher grave dans la voiture, hein. Merci beaucoup. Moi ça m'arrive parfois et je suis gêné pour ma copine quand je le fais à côté d'elle. Mais Fab, oui. Pourquoi tu sais, moi je dis ça pour la vanne, je ne pense pas vraiment que les auditeurs font ça. Bah genre, t'as jamais pété en voiture à côté de ton mec, toi. Oh, bah, non, toi tu l'aimes pas. Moi j'ai jamais, non pas ça, mais j'ai jamais, c'est un tue l'amour que tu peux pas péter à côté de ton mec. T'as jamais prouvé. Mais ça va pas, non. Mais c'est comme faire caca ou pipi. Non mais ça globalement tu le fais tout seul, hein. Normalement il y a pas de... Oui, ça, enfin, ça tu partages pas, quoi. Mais non, un bon petit père, moi j'aime bien. T'as déjà fait ça à côté de ta meuf? Mais bien sûr, quand on est plusieurs dans la voiture, moi j'en lâche une et puis le gars se plie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a lui qui... Non, je suis sûre que tu dois être le genre de mec, j'imagine trop bien Fab, dans la couette, quand tu pètes, à lui mettre la tête en dessous de la couette. Non, ça c'est elle plutôt. Oh, quel couple glamour, mais mon dieu, c'est pas possible. En fait, chez Fab et sa copine, c'est... Chérie, t'as quelque chose à dire? Par contre, moi j'ai ma phrase toute faite dans la bagnole, c'est quand t'es plusieurs et que ça sent le pète. Clairement, moi je dis ok les gars, on est plusieurs, je sais que c'est pas moi, mais non, vous réglez ça entre vous et votre conscience. Bah tiens, c'est ça, comme ça on va l'enregistrer cette phrase, on sait que si un jour on fait un trajet ensemble et que tu lâches ça. Ou mieux, tu la ressors et tu me cites. Non, jamais ça. Laisse tomber. T'es voilà. Et alors là, imaginez-vous bien l'angoisse de l'animatrice qui doit passer de on parle de prout à du glamour avec les people. Ah. Vous sentez qu'il n'y a aucune transition possible ici, donc. Si, t'inquiète pas, reste dans le même registre, on va parler de Kim Kardashian. Ah, ça sent le paix, le vieux paix. Est-ce que par rapport au à la taille des fesses, c'est proportionnel au pec que tu peux lâcher. Vaut mieux pas être derrière. Hein. Non, enfin, je prendrais pas de risque, tu vois. Tu te fais expulser. À mon avis, c'est parce qu'elle est en Syrie il y a pas longtemps. C'est pour ça que tout le monde est expulsé vers chez nous. Fab. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Kim Kardashian? Pourquoi tu mets une chanson alors, de 51 degrés toi aussi Je sais pas, ça me chauffe. D'accord. Parce qu'on parle de cul. De fesses. Bon. De fesses, on dit. De fesses. De fesses. On va encore se faire engueuler par le boss. Je dirais que c'est toi. D'accord. Petite question. Oui. T'as déjà ton costume d'Halloween? Je suis moi-même une sorcière sans costume, tu vois, donc je n'ai pas besoin de me déguiser. Allez, tu veux pas te faire un truc bien. Tu vas te déguiser en quoi? Non, écoute, je fais un rejet des costumes d'Halloween parce qu'il faut savoir que mon anniversaire, c'est le 26 octobre. Okay. Bah donc c'est proche d'Halloween et donc chaque année, depuis mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, pour mon anniversaire, j'étais à chaque fois habillée en sorcière. Je ne veux plus vivre ça, donc je ne veux plus me déguiser pour c'était Halloween. C'est peut-être préménitoire ça. Ouais, peut-être aussi. Non, mais j'ai pas mon costume, non. Allez, moi je te verrais bien dans un truc de Catwoman en latex. Bien moulant comme ça. Mais je rentre pas là-dedans, vieux. Il y a des grands, il y a des grands. Excusez-moi, ça passe pas. Je suis madame. Non, ça passe pas, faut serrer. Attends, fais le malin, toi t'as ton costume d'Halloween? Bah oui, en. C'est quoi? En citrouille. En citrouille? Bah, ça te va bien, drôle, ça, ouais. Non, ce qui est drôle, c'est quand t'essayais de faire la momie avec les papiers cul, tu vois? Ah oui, personne ça marchait jamais. Bah si, ça va, tout le monde fait ça. Bah oui. Est-ce que vous avez fait ça, vous, de l'autre côté de la radio? 30-44 pour vos messages. Le coup de la momie avec le papier cul, franchement, ça, tout le monde l'a fait. Hein. Et ma mère, une année, elle avait pas de budget, du coup, elle a pris un sac poubelle, elle m'a mis dedans et elle a et fait. Voilà, ça fait. Tes euros. Voilà, exactement. Ouais, pourquoi tu nous demandes ça, toi? Parce que si vous n'avez pas votre costume d'Halloween, moi, j'ai un truc qui est fait pour vous. J'ai un site qui s'appelle costumeish.com où ils font des costumes. Mais les mecs, je sais pas où est-ce qu'ils vont les chercher. Des costumes qui font polémique à chaque fois. Et cette année, le costume qui est occupé à faire parler de lui, c'est le costume de Kim Kardashian ligoté dans la salle de bain. Mais enfin, si tu sais pas en quoi te déguiser pour Halloween, alors le kit s'est vendu avec les lunettes de soleil, une grosse bague que tu mets au poignet. La bague, celle qu'on lui a volée là. Ouais, un peignoir, des longs cheveux et des colsons. Et donc en gros, tu trimbales à poil avec un rouleau de papier toilette en bouche, attaché en mode baillon. Et donc tu trimbales comme ça et tu es Kim Kardashian ligoté dans la salle de bain. Moi, je trouve que ça le fait. Mais c'est super méga drôle ce truc. Tu veux bien mettre la photo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey, comme ça, si vous voulez voir à quoi ça ressemble de l'autre côté de la radio et que vous avez pas d'idée, bah allez voir ça, c'est énorme. T'imagines, t'es en soirée et t'es déguisé en quoi? Bah en sorcière, et toi, bah en Kim Kardashian, ouais, ligoté. T'en as un autre si tu veux pour les autres femmes qui savent pas en quoi se déguiser. Tu as le costume de Trump tripoteur. Il y a une campagne comme quoi il a fait. C'est délire. Il y a une campagne comme quoi il a fait des attouchements il y a pas longtemps et les femmes disent non, c'est dégueulasse, le mec a fait des abus sexuels et tout ça et c'est horrible. Et ce gars va peut-être être président des États-Unis. Et ben tu vas voir son costume, c'est-à-dire c'est un mannequin de Trump que t'accroches derrière toi avec une main sur les seins et l'autre main dans l'entrejambe. On va vous mettre les photos sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Et d'ailleurs, vous, dites-nous tout ça. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre costume là pour Halloween? Comment vous dire? Ici dans l'équipe, on est en retard d'une guerre toujours. Donc on compte sur vous, 3044, pour envoyer votre petit message. On vous lit à l'antenne juste après. Un petit souvenir là sur Fun maintenant. C'est David Vendetta qui débarque.

vous jure et je que... vous promets du cadeau. Non, non, non, il y a rien du tout. Que dalle, c'est moi qui gère les cadeaux, il y aura et rien. Et je vous promets du cadeau. Non, non, non, faut pas faire oh des non, trucs comme ferme ça. Ferme studio le Audrey non, non studio non, des non, clowns. Non, non, non, non, je vous jure, moi ça me fait pas rire. Moi je rigole pas. Maintenant, pourquoi vous arrêtez non, mais nous, ça va non, je veux pas. Non, on va s'électer dedans. Putain, ils sont chiants ou quoi? C'est dingue ça. Magali, t'as peur des clowns? Mais ça me fait flipper depuis que je suis petite. Ma sœur m'a acheté un clown quand j'avais 6 ans, un ours. Et bah je sais pas, il me regardait la nuit et tout et depuis j'ai peur. J'aime pas, il y a des gens qui ont peur des clowns. Il te touchait aussi? Bah non. Non, parce que ça c'est pas un clown, c'est un tonton. Arrête, c'est dingue ça. Magali, et pour tes enfants, ça va être quoi le costume? Bah écoute, ma fille c'est la typique sorcière. Vu que son anniversaire c'est comme toi, c'est fin octobre, elle a pas le choix chaque année. Non, c'est dégueulasse, Magali, lui faire ça. Regarde après comment tu deviens. Regarde, elle va devenir comme moi en grandissant, c'est vraiment pas cool pour elle. Elle va être chiante, bah, non, c'est ça toutes les femmes. Et pour ton petit bout, ton autre petit bout, ce sera quoi? Un petit fantôme. Oh, c'est mignon, tout plein, Magali. Comment tu vas faire pour le faire transparent? Qu'il est con. Magali, ne t'abaisse pas à répondre à ce genre de questions. Magali, je te fais des gros bisous. Merci d'être passée à l'antenne en tout cas. Au revoir, bisous, bisous. Bisous, bisous. Et ne faites pas venir un clown, hein. Non, non, pourquoi pas un, des, non, des c'est ça. Clowns. On verra, on va s'arranger à chaque après. Étage. Ça va se régler, ça. Rien à foutre, la peur de rien ici. On va se faire le son de Calvin Harris maintenant, comme promis sur Fun. C'est My Way. Il y aura le coup de pouce si vous avez besoin d'un coup de pouce. Hein, bah, vous restez là, hein. On est là pour vous aider dans l'équipe. Et puis il y aura peut-être une rencontre avec Soprano dans un instant. Bougez pas. Oh, qu'il y a un clown. Ouais. Cette semaine chez Lidl, 31% de réduction sur les poires conférences, soit 89 cents le kilo. Donnez ces bonnes poires à vos enfants maintenant, parce que plus tard en cote, ils penseront plus à boire qu'à des poires. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive, hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Bonjour monsieur, bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis comment tu vas? Bien, merci monsieur, et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal, il paraît que tu fais la Polo à prix d'un mille à 9 890€. Oui. Ah bah je me suis dit, tiens, j'irai bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890€, prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500€ déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Aussi pour les indépendants. Et alors madame, qu'est-ce qui se passe avec votre voiture? C'est mon moteur qui a commencé à fumer. Ouais. Et à mon avis, c'est la pompe d'injection qui n'est pas bien calée. Faudrait peut-être remplacer le capteur de la sonde du conducteur électronique, non? Hein? Oui, bah oui, bien sûr. Je vais quand même regarder sur internet, hein, parce que... Orange lance Aigle et Aigle Premium. De nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous avez tout le data dont un indépendant a besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Fun Radio présente La Nuit des Publivores, Poliakov de Jean-Marie Boursicot. La nuit la plus givrée de l'année. Sophie, qui a mélangé les bandes françaises et danoises pour les pubs de cette année. Mais comment on va faire? On a les jeux, on a les artistes, on a les cadeaux, on a les hôtesses, on a l'écran et les pubs en danois. Ça sent le dracard, moi je suis persuadé que c'est un coup de viking. Griff, Griff ici. Bon ben, le temps de retrouver les bonnes bandes et on sera prêt pour vous accueillir pour la 32e édition de La Nuit des Publivores. La Nuit des Publivores, Poliakov, les 11 et 12 novembre à Bruxelles. Info et réservation, lanuitdespublivores.be. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Bubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body, body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Make the trumpets blow.

Music, découverte Fun Radio. Dans un instant, c'est le coup de pouce qui arrive dans la Pioir. Alors aujourd'hui, il sera question de boulot, les gars. On recherche un pizzaiolo. Hey, ma fille, la pizza. Mais ça, c'est un accent espagnol. Excusez-moi, on t'expliquera comment ça marche. Un pizzaiolo dans la région de Charleroi. On vous explique tout ça juste après l'excellent nouveau son de Bruno Mars, maintenant sur Fun Radio. Bougez pas, on est avec vous jusqu'à 20h. C'est la Pioir. Encore mieux, tiens, Feder, Lord Lie, c'est ce que je vous cale. C'est notre coup de cœur du moment, là, dans l'équipe. C'est ce qui arrive, il y aura aussi les Fifth Harmony juste après ça. Si Nabila arrive à faire des dictées sans faute, c'est grâce à eux. Et toi aussi, t'as besoin d'aide, branche-toi sur Fun Radio. C'est le coup de pouce. Eh ouais, vous le savez, dans cette émission, on essaye de vous aider, peu importe le problème, que ce soit, je sais pas, moi, un problème de cœur, vous venez de vous faire larguer, vous cherchez un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, et on vous aide dans cette émission. Par contre, là, on a reçu un message de Tom qui nous demande si on peut l'aider à cacher un corps, et je. Non, Tom, on peut pas ça. Il a Charleroi ou pas? Il a pas dit. Non, mais justement, on file du côté de Charleroi aujourd'hui parce qu'on est à la recherche d'un pizzaiolo. Ah. Et c'est Giuseppe de Pippo et Fils qu'on a ici. Bonjour Giuseppe. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bon, écoute, super Giuseppe. Alors, il paraît que tu cherches un pizzaiolo pour ton restaurant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as besoin? Non, vous avez mal compris. C'est Pippo et Fils, c'est un snack. Je ne cherche pas un pizzaiolo, je cherche quelqu'un qui sait travailler soit en cuisine, soit pour faire les frites. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Mais si, c'est faire des pizzas en plus. C'est bien, non? Bah oui, mais faut un four et j'ai pas de four pour les pizzas. Mais du coup, Giuseppe, ça va pas qu'on dit que t'es pas italien. C'est pas. Oui, je suis italien, mais bon, j'ai pas de pizza, j'ai fait des frites. Ah, bah c'est ça. Ah, bah. En même temps, tous les Italiens font pas forcément des pizzas. Hein. Mais j'ai les couilles à l'huile d'olive, les frites. Oui, d'accord, mais. Bon, mon Giuseppe. Du coup, sérieusement, donc tu as besoin de quelqu'un qui est capable de faire des frites, qui peut aller bosser en cuisine avec toi. Ouais. Vas-y, explique, hein, c'est quoi les critères pour bosser dans ton resto, enfin dans ton snack? Ben, les critères, c'est la personne qui doit savoir travailler, faire comme. Chez moi, c'est comme. Vous arrivez, on prend la commande, mais on vous fait. S'il faut faire une mitraillette, il faut faire une pita, il faut faire un des frites, et voilà, on sert à table, et puis voilà. Bon appétit, au revoir et merci. Et tu cherches quelqu'un, Giuseppe, qui a déjà de l'expérience, ou alors tu es prêt à former quelqu'un? Non, former quelqu'un, c'est très difficile parce qu'il a déjà essayé tout. Dès qu'ils arrivent ici, évidemment, bon snack, on a quand même du monde, il y a des gens, les gens qui ne sont pas habitués. Sont et maintenant, Giuseppe Pippo, c'est le truc en face des Beaux-Arts, ça, non? Mais voilà, c'est ça. Ah, bah voilà, moi j'ai déjà été manger des frites, moi, chez Pippo, c'est super bon. C'est le célèbre Pippo de Charleroi. C'est super bon, mais voilà, c'est ça, sur la place du manège. Ah, bah voilà, c'est tout bon, ça. Donc, tu cherches quelqu'un qui est juste motivé déjà à bosser, qui est courageux et qui est prêt à se faire former, du coup, chez toi. C'est pour commencer déjà directement, là, tout de suite? J'essaie de les former le vendredi et le samedi, parce que le vendredi et le samedi, je peux les mettre avec les autres qui travaillent chez moi, comme seul on peut passer la vente, on les fait faire la salle, on les fait faire apporter les plateaux en salle, c'est vrai qu'il y a en salle. Non, il prend les plateaux, il va en salle et tout ça, et en même temps, il regarde comme les autres travaillent pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire la même chose que les autres. Eh bah super, Giuseppe, le message, il est passé, donc tu cherches quelqu'un pour bosser chez toi, donc Pippo, c'est la friterie en face du Palais des Beaux-Arts à Charleroi. Si vous êtes dans la région, si vous êtes quelqu'un de motivé, vous avez envie de faire des frites avec un italien, c'est autre chose, hein. C'est un autre délire, allez-y, vous envoyez job par SMS au 3044, on vous prend à l'antenne et on vous met en communication avec Giuseppe. Moi, s'il faut les faire sauter, je suis là. Bah ça, dès qu'il faut faire sauter quelque chose. Bah oui, s'il faut faire sauter les frites. Je sais, on va t'envoyer, toi, si ça continue comme ça. Allez, on se le son de Feder dans un instant, juste après, c'est les Fifth Harmony. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. You've been working so damn hard, you got that head on overload. Got yourself this flawless body aching out from head to toe. Je pense que c'est les 5 filles les plus sexy du son dancefloor pour le moment. Sérieux, si vous avez jamais vu à quoi elles ressemblent, allez taper Fifth Harmony sur internet, vous allez voir. Il y a Fab qui est déjà sur son clavier, tu vois. Le gros pervers, Mike Perry, c'est ce qui arrive avec The Ocean sur Fun Radio. On va se faire aussi Maître Gims, le nouveau. Avant ça, c'est Vaché Time qui débarque dans la Power. Vaché, c'est un espèce de taré. Tous les matins, dans Bruno, dans la radio, entre 6h et 9h, il appelle des gens, il les fait chier. Il a fait quoi ce matin? Mais en fait, il a trouvé une femme qui vendait un coffre sur internet, bon, un truc tout classique. Ouais. Et il a sa belle-mère qui vient de décéder récemment. Et ben vous savez quoi, il voulait la mettre dedans parce qu'un cercueil ça coûte trop cher. Ah bah normal. Allô? Allô, c'est vous qui vendez le coffre décoratif sur le bon coin? Oui. Et bien je le voudrais s'il est encore dispo. Oui, bien sûr, on vient de le mettre. Ah cool, parce que 15 balles franchement c'est dans mon budget en plus. Oui, il est pas cher, c'est vrai, oui. 15 balles pour un cercueil, j'ai dit allez vas-y fonce. Pardon? Ça arrive pas tous les jours. C'est pas un cercueil, c'est un coffre. Ah bon? Vous mettiez quoi, vous, dedans? Bah, moi, je mettais un aspirateur à l'intérieur. Ben, moi, j'aimerais bien mettre un truc un peu plus gros qu'un aspirateur dedans, à savoir ma belle-mère, qui nous a quitté. Pardon? Et comme j'ai pas tellement envie de dépenser beaucoup de thunes pour un cercueil. Non, mais c'est. Pardon? Oui, bonjour, monsieur. Je peux passer cet après-midi avec ma belle-mère pour voir si c'est sa taille? Non, mais vous racontez, vous savez, vous êtes. C'est pas un cercueil, c'est un coffre. Même si ça chausse petit, j'en mettrai en boule, hein. Non, mais de toute façon, je vous arrête tout de suite, le coffre, il fait même pas. Il fait un mètre de longueur, alors donc, voilà. Ah oui. Ah, attendez, sinon, est-ce qu'il me reste de l'essence? De la tronçonneuse. Non mais vous rigolez ou quoi? Arrêtez vos conneries là, c'est pas possible de dire d'entendre ça au téléphone. Elle démarre. Moi je vais la prédécouper. Est-ce que je vous mets ça en plastique de côté? Vous pouvez peut-être la revendre sur le bon coin, je sais pas. Non mais attendez, me faites perdre mon temps, là, j'ai pas le temps. Attendez, elle a des dents en or, vous les voulez? Non, non, non, ça m'intéresse pas, non, non, non. Ah, merde! J'ai percé la vessie, j'en ai plein sur les gonasses. C'est dégueulasse, mais sérieusement, ça vous viendrait à l'idée de faire un truc pareil? Bah oui. Non, mais non, mauvaise réponse, franchement, il y a que Vacher pour faire ça, c'est tous les jours, le matin, sur Fun, entre 6h et 9h, dans Bruno, dans la radio, la suite du son, maintenant, j'en reviens pas, c'est dégueulasse. C'est Mike Perry qui arrive juste après. Je vous rappelle qu'on cherche un gars qui sait faire des frites, bah ouais, qui est motivé pour bosser chez Pipo. C'est une friterie super connue à Charleroi. Donc si ça vous branche, allez-y, job par SMS au 3044. C'est ce qu'il faut envoyer, on vous attend. Tous les soirs dès 22h sur Fun Radio. Ouvrez les portes du club le plus branché de Belgique. C'est Before Party Fun. Ladies and gentlemen, 2 heures de mix avec les plus grands DJ belges au platine. Please welcome Tristan H, DJ Bass, Sir Leon, Magic Cut, Onsou, Flash, Maestro, Sacha DMB et Andy D. Venez faire la teuf du lundi au jeudi avec le son Dance Floor mixé de 22h à minuit. Before Party Fun. C'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Allô? Oui, c'est moi, je suis bien arrivé. Oh, ils sont sains et saufs. C'est génial ici, les gens sont sympas et très accueillants. C'est comme à la maison. Ouais, je crois que je vais rester d'ailleurs. Et encore merci à toute l'équipe Assa pour le tuyau. Allez, ciao! Avoir un job qui vous convient parfaitement, c'est comme être en vacances. Nos consultants RH vous guident vers le défi idéal. Complétez votre profil sur assa.be ou passez-nous voir dans l'une de nos agences. ASAP. Enjoy your job. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, le Père Noël existe. Et les plus grands hommes sont toujours vivants. Je vous ai compris, grâce à mon nouvel appareil auditif. Même plus vivant que les vivants. I have a dream, sur mon nouveau matelas. Et plus éloquent que les comédiens. Ich bin ein Hamburger. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be, votre classement du meilleur de la pub radio. Échappez au Frima de l'automne avec Ryanair et évadez-vous à partir de 19,99€ seulement. Enregistrez-vous sur MyRyanair dès aujourd'hui pour davantage d'offres, une réservation et un check-in rapide. Réservez votre prochaine escapade en ligne ou sur l'appli à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair, low fares made simple. Disponibilité limitée, consultez Ryanair.com. Inédit du lundi au vendredi à 20h35 sur Plug RT. Touche pas à mon poste. Bienvenue dans Touche pas à mon... Avec Cyril Hanouna aux commandes, plus en forme que jamais. Comment ça tombe bien? Attention, je perds un tigre. Oh là là, boulou, va. Ouais, oui. Chronique, jeux, défis et délire en tout genre. Et quoi d'autre? Vous le saurez en regardant Touche pas à mon poste, du lundi au vendredi à 20h35. Plug RTL. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que le dernier smartphone Huawei P9 Lite à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure heaven. And I'll give it to you hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Beyoncé avait déjà fait 3 tournées mondiales. Et eux, ben... Voilà. Mais c'est pas grave, on les aime quand même. Retrouvez Audrey et son équipe du lundi au vendredi dans l'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. C'est le nouveau Maître Gims qui débarque sur Fun Radio. J'ai tout donné, c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans la Pioir. On est en direct en 18h55 et on va essayer d'aider justement Giuseppe qui est passé tout à l'heure à l'antenne dans le coup de pouce parce qu'il cherche quelqu'un à tout prix pour bosser dans sa friterie chez Pippo à Charleroi. Il cherche un frizzaiolo, ouais c'est ça. En gros c'est un peu le principe, mais quelqu'un qui en tout cas qui est motivé, quelqu'un qui va pas le lâcher et qui a pas peur de bosser non plus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours envoyer votre petit message. Il faut envoyer job par SMS au 3044. C'est ce qu'il a fait Freddy qui vient de Charleroi. Salut Freddy. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Attends, Freddy, franchement, je me permets, mais t'as la même voix que Monsieur Burns dans Les Simpsons. Tu vois? Ah ouais. Super. Il me fait flipper. Bon, mon Freddy, t'as envoyé Job par SMS au 3044. Ça te dirait, toi, d'aller bosser chez Pipo? Oui. Parce que j'ai un diplôme justement en hôtellerie et en friterie, donc c'est nickel. Quoi, il y a des diplômes de friterie? Bah bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Bon, allez, dis. Bah, tu crois que ça se fait comme ça, des frites? Bah non, je sais que c'est tout un art. Encore plus en Belgique, faut pas déconner avec ça, mais je savais pas qu'il y avait une formation en friterie. Excusez-moi, je découvre. Il y a des diplômes, le diplôme de la frite. Attends, d'or. Mais Fred, on t'apprend quoi du coup à l'école? Vas-y, balance. À bien faire sauter la frite. Ah bon, aussi, mais... On apprend à faire cuire les frites, donc les frites cuire, les cuire, les recuire pour qu'elles soient bien rousses et bien croustillantes. Ouais. Et on apprend en même temps de faire tout ce qui est fricadelle. Brochettes, on les apprend à les cuire convenablement pour pas qu'elles soient trop grasses. Et il y a une formation fricadelle, ça c'est fort. C'est la McCain University. Eh, ouais. Référence au quoi? C'est quoi ces limites? C'est quoi? C'est les McCain. Ouais. McCain. Ah, c'est les frites McCain. Au moins on en parle, au plus on en mange. Et ce qui est, et les frites McCain, ce qui est bon, c'est celle avec le ketchup déjà intégré dedans à l'intérieur. Mais non, c'est délicieux. Ah, tu connais toi, Freddy, hein? Ah, ça c'est délicieux. Il y a que à Charleroi, ça par contre. Mais non. Ils font des frites avec du ketchup intégré dedans. Bah ouais. Mais allez. Bah oui. Freddy, mais il y a un peu partout, même à Liège, il y a aussi. Ah bah déjà, c'est pas qu'un truc carolo. Attends deux secondes, on va poser la question aux auditeurs, Freddy. Est-ce que vous avez déjà mangé les fameuses frites où il y a déjà le ketchup dedans en 3044 pour vos messages? C'est... Sérieux? Mais oui, femme. Non, c'est une blague. Mais le monde part en couille. Non. Ça existe, en... ça existe vraiment. C'est la vie, ça. Mais pourquoi ils font ça, les gens? Mais parce que c'est trop bon. Déjà, ils font des frites que tu cuis au four, des frites que tu cuis au micro-ondes, des frites que tu cuis avec un briquet, des frites que tu cuis à l'eau bouillante, mais non, des frites avec du ketchup. Mais c'est bon. Non, mais je veux plus vivre sur tu cette planète. Tu crois que bam, t'as déjà le ketchup qui coule dans la bouche, c'est délicieux. Bon, mon Freddy, comme ça, te dit d'aller bosser chez Pipo, on va te mettre en relation avec lui, d'accord, avec Giuseppe. D'accord. Et comme ça, tu peux t'arranger pour faire une journée d'essai déjà. On va commencer par là, d'accord? Avec plaisir. Eh bah Freddy, je croise les doigts pour toi. Tu nous diras comment ça s'est passé, d'accord? Merci, j'aime bien gentil. Gros bisous. Vous êtes une équipe et j'aime bien votre radio. Oh, c'est trop gentil. Cool. Merci mon Freddy. On te kiffe aussi, nous, de l'autre côté de la radio. On va se remettre aux games maintenant. C'est J'ai tout donné sur Fun. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais pas sans loup parce que j'ai beaucoup pris ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi. Je me suis donné tant de mal. Je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais pas sans loup parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Laisse-moi devenir ton allié. Pour nos ennemis, un alien. Repose-toi sur toi, je veille. Je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Fun Radio. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Bon bah les gars, je peux dire que vous êtes des gros ringards, hein. Heureusement, il y a plein de visiteurs qui connaissent les fameuses frites avec le ketchup à l'intérieur dont on parlait tout à l'heure. Caroline, Mickaël et Mélissa qui sont à l'écoute de l'émission, ils ont envoyé leur petit message et oui, ils ont déjà mangé ça. Je veux que tu m'en fasses goûter. Eh bah jamais de la vie. Allez, on va plutôt s'informer maintenant avec Carlo à 19h. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Un sommet des briques s'est tenu ce week-end en Inde. Les briques, bah, c'est ce qu'on appelle les pays émergents, hein, actuellement en pleine crise, comme le reste du monde d'ailleurs, à part l'Inde justement, qui se porte plutôt pas mal. Mais la Chine, elle, est en train de s'essouffler. Quant au Brésil et à la Russie, ils sont carrément en récession. Une récession que frôle l'Afrique du Sud. Bref, c'est pas la gloire, comme l'a rappelé le président chinois, pas en ces termes, hein, évidemment. Il a déclaré que l'économie mondiale restait fragile. Parmi les décisions prises lors de ce sommet, la création d'une agence de notation et un renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale. En matière de catastrophes naturelles, nous avons aujourd'hui des inondations au Vietnam qui ont fait une vingtaine de morts suite à des pluies torrentielles. Et les perspectives à court terme ne sont pas franchement réjouissantes avec l'arrivée d'un typhon qui risque évidemment d'aggraver les choses. Et puis un puissant séisme d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce matin au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on ne signale pas de dégâts. Je vous parlais il y a une heure des détenus belges de plus en plus nombreux à effectuer leur peine jusqu'au bout. Mais bon, tant qu'à être en prison, vaut mieux que ce soit chez nous plutôt que dans certains autres pays, hein, comme au Brésil par exemple, où des affrontements entre factions rivales ont fait 25 morts hier dans un établissement du nord du pays, dont 7 ont été décapités et 6 autres brûlés vifs, charmant. La police a évidemment dû intervenir pour mettre fin au massacre. Les égyptologues devraient avoir encore quelques occasions de vibrer dans les quelques années qui viennent, avec d'abord la possible découverte de la tombe de la célèbre reine Néfertiti dans celle du non moins célèbre Toutankhamon. Et puis nous avons la pyramide de Khéops qui visiblement n'a pas encore livré tous ses secrets vu qu'elle semble receler deux cavités encore jamais découvertes à ce jour. Mais les scientifiques ont la possibilité d'utiliser de nouvelles technologies et c'est grâce à elles qu'on a détecté ce que les experts appellent encore prudemment des anomalies, en espérant évidemment que ces anomalies permettront de faire de nouvelles découvertes de premier plan. Enfin, le jeune tennisman australien Nick Kyrgios est très doué, ça fait aucun doute, hein. Vous pouvez demander à notre David Goffin ce qu'il en pense. Goffin battu par Kyrgios récemment en finale du tournoi de Tokyo. Il est doué, mais pas très stable, visiblement. Il y a quelques jours à Shanghai, il a complètement balancé son match face au modeste allemand Zverev, écopant d'une grosse amende pour comportement antisportif et surtout, le voilà interdit de jouer jusqu'au 15 janvier 2017. Une sanction qui sera en fait ramenée à 3 semaines, puisque Kyrgios a accepté d'aller voir un psy. Il y a donc aussi qu'Anvers accueille un tout nouveau tournoi ATP depuis aujourd'hui. Tournoi auquel participent les pointures comme Ferrer ou Gasquet, en plus évidemment des meilleurs belges. Fun Radio. Fun Radio. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. Il y aura le son de Parakeet dans un instant sur Fun Radio. Zao et MHD aussi pour la suite du son Dancefloor. Et puis si vous êtes fan de Soprano, on aura une grosse surprise pour vous juste après la météo, Carlo. Demain, les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés. Mais attention, après une matinée relativement calme, nous aurons droit au retour des averses en cours d'après-midi. Retour des infos en ce qui me concerne, c'est demain matin à 5h30. À tous, une excellente soirée. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Parakeet. Salut. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 €. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. La Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me.

C'est du belge qui arrive côté son dancefloor sur Fun Radio avec Alex Germis. On va se faire aussi le nouveau Black M là. À Skip. À Skip pareil, Black M il va arriver juste après ça, bougez pas. L'horoscope. L'horoscope. Sur Fun Radio. Ouais, et on va vous dire si vous êtes plutôt du genre fainéant, genre à pas bouger votre vos grosses fesses. Hein. Et ouais. Voilà, les béliers. Vous, je sais pas, mais moi, oui. Donc c'est pour ça que pour votre signe, en fait, j'ai même pas cherché. Ah oui, t'es du genre fainéant, toi ? Moi ? Ouais, c'était une question, en fait. C'est horrible. Les taureaux. Vous êtes tellement fainéant que même procrastiner, c'est trop dur pour vous. Vous remettez tout au lendemain. Ou à jamais. Les Gémeaux. Je sais que vous ne savez pas ce que le mot procrastiner veut dire. Mm-mm. Et vous êtes trop fainéant pour aller voir dans le dico. Alors je vais vous le dire, ça veut dire tout remettre au lendemain. D'accord, mais tu fais le malin parce que toi aussi t'as été voir sur internet avant d'écrire ça. Non, moi je le connaissais avant même. Ouais, genre les cancers. Même quand vous faites l'amour, vous êtes fainéant. Généralement vous faites un aller et pour le retour vous faites du stop. Les Lions. Vous ne bossez pas parce que pour bosser faut trouver du travail. Pour trouver faut chercher et c'est là que vous vous dites non mais tu sais quoi, en vérité je suis déjà claqué. Les Vierges. Vous n'êtes pas fainéant, vous venez de Charleroi, c'est pas pareil. Réussir à rien foutre, ça fait partie des coutumes locales. Mais ouais, c'est ça, les balances. Vous êtes tellement fainéant que si vous aviez vécu à l'âge des hommes préhistoriques, on attendrait toujours le feu. Les Scorpions. Votre devise, c'est ne fais pas aujourd'hui ce que tu peux faire demain, ou après-demain, ou un autre jour au fait. Sagittaire. Vous êtes tellement fainéant que vous évitez de marcher au soleil pour pas devoir tirer votre ombre. Bah ouais, normal. Capricorne. Vous êtes fonctionnaire et contrairement à ce qu'on croit, le matin, vous ne dormez jamais au bureau, sinon vous ne sauriez pas quoi faire l'après-midi. Les Verseaux. Vous êtes tellement fainéant que vous vous levez tous les jours à 6h du matin, comme ça vous pouvez rester plus longtemps à rien faire. Ah oh, mais c'est tellement bien en même temps de rien foutre. À fond. C'est cool. On termine avec les Poissons. Vous êtes fainéant au carré exposant 1000, vous mangez vos crottes de nez pour ne pas devoir chercher un mouchoir. Oh, oh. Est-ce que bon quelqu'un a déjà mangé ses crottes de nez ici? Moi j'aime bien le goût, c'est plein de protéines et ça fait pas grossir. Ah ouais? Et maintenant la vraie réponse, t'as déjà mangé tes crottes de nez? Moi j'aime bien le goût, c'est plein de protéines non, et allez, ça fait pas grossir. Si, oui. T'as déjà été... Mais quand on voit pas quoi. J'aime bien et ça sort de la bouche de femme en fait. Ouais. Et zéro crédibilité. Hein. Pour une fois je trouve un truc qui est pas calorique. Non mais t'as vu la taille de ses narines? Moi c'est pas des crottes de nez qui sortent de là, c'est je sais pas ce que c'est. Des fois le midi je mange pas moi. Ah ouais? Si le matin je suis bien chargé, je suis tranquille. Sur cette belle parole bien glamour, on va sur le son d'Alex Germis sur Fun Radio. Il y aura du Black M et juste après, bougez pas, on va révéler le nom du premier auditeur qui sera avec nous ce vendredi avec Soprano en live sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Avec Touring, plus rien ne vous arrête, même pour aller voir votre maman. Car nous vous offrons 2 mois gratuits sur votre assistance dépannage annuelle. Infos et conditions sur touring.be. L'avenir vous ouvre les portes de la gastronomie au travers de son supplément Table d'automne. Dégustez son menu de saison au prix exceptionnel de 39€ par personne, vin compris, dans les 20 restaurants gastronomiques sélectionnés pour vous par le guide Delta. À découvrir dans l'avenir ce mercredi 19 octobre. L'avenir. L'avenir est au contenu. Make some noise. City Parade présente We Love Retro House XXL. Jeudi 10 novembre, veille de jour férié. Palais 12, Bruxelles Expo. Rêve Masters, Westbam, Maroucha, Joël Beltram, Jam & Spoon, Kanishi, Jacques de Marseille, Miss Jax, Furax, Yuri Parker, Frankie Jones. We Love Retro House XXL. Jeudi 10 novembre, Palais 12, Bruxelles Expo. Info et tickets, cityparade.be avec Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. You when you dance, dance, dance. C'est un peu comme un vêtement que tu achètes pendant les soldes. Tu peux ni les changer, ni te refaire rembourser. Du coup, tu vas les retrouver tous les soirs, du lundi au vendredi, sur Fun Radio.

Et ouais, Soprano, il a fait tout ça, les gars. Soprano, il sera avec nous dans l'émission. Il va faire son live dans l'émission de la Happy Hour. Il y aura aussi des cadeaux à choper, son album, peut-être même des places pour aller le voir. Bref, à votre place. Eh ben, je resterai bien à l'écoute de l'émission. Alors, on a mis un petit post. On vous a demandé de partager la photo, de liker, tout ça. On a fait le tirage au sort. Et on a la gagnante, la première auditrice qui va avoir la chance de venir avec nous ce vendredi dans l'émission. C'est Stéphanie qui est là, qui vient de Courcelles. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Mais c'est quoi cette voix, dit? Ça va, Stéphanie? T'as un enfant? Bah non, je ne sais pas. Stéphanie, tu as quel âge? 30 ans. 30 ans, donc ce n'est plus un enfant, mais elle a une voix de petite fille, j'avoue. D'accord. Stéphanie, t'as joué sur la page Facebook de l'émission pour venir avec Soprano dans l'émission ce vendredi. Ça te dirait? Et comment? Eh bah, tu sais quoi, tu repars déjà avec une place. Yes! C'est gagné! Je suis en feu. Elle chante, elle est dans son salon, hein. Et Stéphanie, du coup maintenant, donc ça te fait déjà une place, donc t'es sûre de venir nous voir ce vendredi chez Fun Radio carrément. Alors maintenant tu peux jouer à l'Happy Game et essayer de choper deux places pour venir, pour que tu puisses venir accompagner d'une personne, ou alors tu me dis une place, ça me suffit. Ah non, j'aimerais bien avoir la deuxième place. Eh ben c'est l'Happy Game, c'est parti. L'Happy Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. L'Happy Game, c'est la vie. Bon, Stéphanie, tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe. Tu as le choix entre Fab, Sandro ou Allison. Choisis déjà ton partenaire. Sandro, mais quel succès avec les femmes celui-là. Bon, Sandro, Stéphanie, vous allez vous affronter tous les deux au jeu du ni oui ni non. Non. Perdu. Non, je... Alors, le but, évidemment, je vous le rappelle vite fait, mais c'est de ne pas dire oui, c'est de ne pas dire non. Le premier qui dit oui ou non a perdu. D'accord, okay. Parfait. Et attention, on ne triche pas, on pose des questions, on fait un vrai dialogue. Hein. Ouais, c'est pas ça. Tout le temps le même qui pose des questions et qui répond. Ok, Stéphanie. Ok. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Sandro, vas-y, commence. Bon, Stéphanie, comment ça va? Ah, super, je suis en train de faire un solar. D'accord, et il paraît que tu vas venir voir Soprano vendredi. Ah, il paraît, hein. Et tu seras là, toi, au moins, j'espère. Bah, bien évidemment. Ah, ça va, alors. Et tu travailles aujourd'hui? Je travaille tous les jours, moi, tous les jours, je suis là avec Audra et puis. Ce dimanche, tu travailles pas? Bah, non, c'est congé. Oh ah oui, merde! Oh oui. C'est mauvais, c'est gagné. Comment c'est t'as eu? Et ouais, toute confiance, j'étais là. Bah non. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, le Sandro, c'est sérieux. Femmes, Stéphanie, ouais, bravo, tu repars avec tes deux places pour venir nous voir vendredi. Trop content. Ça te fait plaisir? Oh oui, comment? Et ben voilà, ma Stéphanie, c'est dans la poche. On te voit vendredi, on te fait des gros bisous. Ça va, je vous fais un gros bisou à tous et encore un grand merci. De rien, Stéphanie. Gros bisous. Si vous aussi, comme Stéphanie, vous voulez nous faire un petit coucou ce vendredi, je me doute bien que vous venez pas que pour nous. Hein. Tout de suite, dès qu'il y a Soprano, on veut venir. Ouais, hein. C'est ça. Et ben, c'est possible. Vous allez liker la page de l'émission Happy Hour avec Audrey et puis vous likez le post où il y a Soprano avec la photo, tout ça. Vous allez voir, c'est super facile. Peut-être que vous serez avec nous, du coup, vendredi. En tout cas, félicitations à Stéphanie. La suite du son Dance Floor, il y aura du Aluna George dans un instant. Avant ça, c'est Lost Frequency. Si sur Fun. Oh, I follow. Mountain high and river low. I follow. 17h-20h, Happy Hour. Happy Hour. Avec Audrey sur Fun Radio. Il y aura de la nouveauté, c'est Hailee Steinfeld. On vous l'a fait découvrir il y a quelques jours là, déjà sur Fun Radio, on était les premiers sur le coup. Avant ça, on va jouer aux infos qui ne servent à rien. Peut-être que vous vous posez des questions, parfois vous n'avez pas la réponse. Et bah heureusement, Fab, c'est le spécialiste des trucs qui ne servent à rien, mais quand même t'es content de le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Quand même mes trucs. Oui, mais je t'encourage dans ta démarche. On a Steve qui est là, qui vient de Liège, qui va jouer avec nous. Ah, bonjour Steve, comment ça va? Ça va bien. Ah, j'adore. Il a l'accent à mort, ça c'est cool. À mort. Si, tu vas jouer avec nous. Steve, qu'est-ce que tu fais de beau la soirée? Voilà, rien de spécial, je me repose un petit peu, j'ai une dure journée, donc voilà. Ah ouais, t'as bossé aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Maçon, donc, voilà. Maçon? Ah ouais, c'est cool ça, maçon, hein. Ah, oh, c'est faire sexy. Faire des maisons, casser des briques. En plus, quand il fait beau comme ça et qu'il fait un peu chaud, qu'il y a du soleil, t'as le maçon qui est là et qui transpire et qui relouit comme ça sur les petites. Toi, t'es dans une pub Coca-Cola là. Bon, ça va, j'arrête. Bon, mon Steve, on va se faire des infos qui ne servent à rien. Fab va te poser des questions. À toi de dire si c'est vrai ou c'est faux. Si t'arrives à marquer au moins 2 points, tu repars avec du cadeau Fun Radio, d'accord? D'accord. Attention, c'est parti. Première question. Alors, à ton avis, combien de cœurs possède une pieuvre? 1, 3 ou 7? Un pieuvre? Ah, apparemment oui. Ou peut-être pas. 7. 7 cœurs. 7 cœurs. 7 cœurs. Jamais de la vie. Non, combien? Mauvaise réponse, c'était 3. 3 cœurs. 3 cœurs. 3 cœurs la pieuvre. T'imagines, faut la tuer, comment tu vas faire? C'est ça quoi. Bon, allez, deuxième question. Combien mesure l'homme le plus petit du monde à ton avis? 47,5 cm, 57 cm ou 73 cm? Ou demande à Mimi Mati. Non, c'est plus petit qu'elle encore. Ah ouais? Ouais. 47. Mauvaise réponse, c'était 73. Allez, punaise. Allez Steve, ne lâche rien, c'est question, pas grave. On sait jamais. Ah. Comment oui, bah du coup, ouais. S'appelle la plante où pousse le kiwi? Alors, le kiwi tonnier, l'actinidia ou le quinotier? Ça pousse un c'est kiwi, quoi, j'en sais ça rien. Pousse, tu crois que c'est directement attends, dans les rayons, répète le bazar, ouais. Parce que c'est pas facile. Hein. Alors, c'est soit le kiwi tonnier, ouais. Soit l'actinidia. Soit le quinotier. On peut pas enlever une réponse. Ouais, laisse tomber. Steve, à ton avis. Là. Alors, on va faire un truc, Steve. Hein. Le parcours n'est pas fameux, mais si t'arrives à me donner la bonne réponse sur celle-là, je te file quand même le cadeau. D'accord. Alors, Steve, est-ce que c'est le. Kiwi tonnier. La troisième. Il le dit pas, tu vois. Il fait non, c'est mon troisième. Le quinotier. Le quinotier. Est-ce que c'est là que ça pousse le kiwi, le kiwi? Eh bien, écoute, Steve, c'est un sans faute pour toi. C'est encore une mauvaise réponse. Oh, je veux dire bravo. On applaudit Steve. Bravo, mon ami. C'était l'actinidia. L'actinidia, mais jamais de la vie j'aurais misé là-dessus. Bah, Steve, tu sais quoi? T'es le premier à faire 0 points. Oui. Eh bah, c'est une performance bravo quand même. On bravo applaudit Steve. Bravo. Du coup, c'est toi qui vas payer l'appel téléphonique. Voilà. Tu nous rembourses. Bon, Steve, en tout cas, dis-toi que t'as participé. C'est toujours c'est ça de prix, hein, d'accord? Ouais, c'est la première fois, donc voilà. Ah bah, écoute, ça nous fait plaisir que t'es venu faire de la radio avec nous. Je te fais des gros bisous, mon Steve. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi aussi. Il m'éclate, le gars, il a perdu. Bravo. Ouais, c'est trop ouais bien. Ça fait. Bon, côté sur Dance Floor, avant de retrouver Dylan là, pour Fun Radio Connected à partir de 20h, on va se faire Willy Williams. Ça, c'est le nouveau. Il y aura aussi de la nouveauté avec Ali Steinfeld maintenant sur Fun Radio. Bougez pas, on est ensemble jusqu'à 20h encore pendant un petit quart d'heure. You know just what to say. Shit that scares me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh, I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Know just how to make my heart beat faster. Emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah. So much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. La limite, c'est un peu romantique hein, pour terminer la soirée. Voilà. Alors là, du coup, on change d'ambiance, mais d'un coup, hein, ça n'a plus rien à voir. Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent pour aller jusqu'à 20h. Et à partir de 20h, c'est Dylan que vous allez retrouver sur Fun Radio pour Fun Radio Connected. Connected. Il est là, le Dylan. Il est ben connecté oui déjà. Exactement. Je viens de me connecter sur la page Facebook. Venez nous rejoindre, les amis. C'est Fun Radio Connected. Ça, c'est la page officielle. Et puis le 3044 aussi, comme d'hab par SMS. Vous pouvez passer vos messages. Alors quand on dit message, effectivement, c'est de tout, Audrey. Ah, j'ai déjà entendu des messages chelous dans ton émission. Ouais. Hein. Heureusement, ah les ouais gens ils se lâchent parfois, mais franchement, c'est quoi le pire message? Enfin, le pire, le truc un peu original que t'as reçu par SMS? Eh bah, tu fais bien de me dire. En fait, j'ai une personne qui. Je te promets, alors je vais le dire. Bon, normalement, on pouvait pas le dire, mais allez, je vais allez, vas-y, balance. Je t'écoute, Koé, t'es génial. Oh non! Je oh te non promets, Audrey, je te promets mais que c'est enfin vrai. Je te jure. Alors, non, mais... en plus de ça, c'est quand vous voyez Dylan en vrai, il ne ressemble pas du tout à non Koé. C'est bah, son opposé, il oui a des cheveux, il est petit, ça marche pas. Mais du coup, ça fait quoi de se faire complimenter en faisant passant par Koé, pour Koé? Bah écoute, ça va parce que bon, finalement, ça veut dire que j'ai quand même un minimum de talent, donc c'est cool. Là, là. Ouais, non, c'est bien. C'est et ça y est, il a à peine arrivé qu'il veut déjà être transféré, celui-ci. La seule différence entre toi et Koé, c'est que Koé, il a maigri récemment. Oh, bra, bra, bra, bra, bra. Hey, là, on est en plein un dans l'hôpital qui se fout de la charité. Ça va les expressions des années 60, tu vas garder ça pour toi. L'arroseur arrosé quoi. Ça va, c'est bon. Si vous voulez faire passer vos messages, n'hésitez pas, 3044, vous pouvez faire des compliments à Dylan. Hein. Le Dylan, et c'est pas Coé, c'est Dylan sur Fun Radio. Pour Fun Radio Connected, venez sur la page de l'émission, Fun Radio Connected sur Facebook. C'est à partir de 20h que ça se passe. Pour aller jusque-là, on va sur le son de Dimitri Vegas et Like Mike, qui a aussi le nouveau Willy William. Et nous, on vous donne rencard demain à partir de 17h. Les bisous, copains, on vous laisse ici. Ciao, ciao. Bisous, bisous. À demain. Ciao. Alors dis-moi qui tu es. Cette semaine chez Domino's Pizza, semaine de folie. Toutes les pizzas régulières à emporter sont à 4€. Et avant 16h, elles sont même à 3€ à emporter. Domino's Pizza, c'est tout moi. Fun Radio et Smart Toys présentent pour la première fois en Belgique la MCM Comic Con Belgique. La plus grande convention européenne débarque enfin en Belgique. Les 5 et 6 novembre au Bruxelles Expo avec au programme des invités prestigieux, du cosplay et plein de surprises. Rendez-vous ce 5 et ce 6 novembre au Bruxelles Expo ou sur mcmcomiccon.com. Fun. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody by my side. D'abord pensé à un jingle avec plein de musique et des effets spéciaux, mais à cause des restrictions budgétaires, on va faire plus simple. Du lundi au vendredi, Happy Hour, 17h-20h. Fun Radio, bisous. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave me. Qui tu es? que je te le dise, Willy William? Tu veux vraiment que je te dise qui je suis? Ah bah pas de problème, comme ça les auditeurs en profitent, au cas où vous me connaissez pas. Bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Dylan, quasiment 20h à 1 minute près, on est parti. En Belgique, plus de 8,5 millions d'internautes se connectent chaque jour entre eux. Tout le monde s'écrit, s'écoute, s'informe. Salut à tous. Se dispute, trouve l'amour, se la pète en faisant le plus beau selfie. Chaque soir, on active les comptes. Venez passer vos messages. Page Facebook officielle, Snapchat et Twitter avec le hashtag FunConnected. Ou par téléphone au 02 851 4x0. 5, 4, 3, 2, 1. Connection. Ouais, on se connecte. Fun Radio Connected, 20h, 22h, avec Dylan. Ça démarre maintenant. Allez, ça démarre maintenant et pendant 2 heures sur Fun Radio, vous allez pouvoir lâcher vos messages en non-stop. Et tous les messages que je vais recevoir, eh bien, vous avez la garantie à 300% que ça va être diffusé sur Fun Radio. On est là donc en direct avec déjà des messages qui continuent de tomber par SMS au 3044. C'est le premier moyen, ça, le SMS. 3044, c'est 50 centimes par message. Directement sur la page Facebook aussi, venez nous rejoindre. On est plus de 16 500 likes sur la page officielle. Vous tapez Fun Radio Connected. Et puis sur Snapchat, on est également là. Fun Connected, c'est le Snapchat, histoire de voir un petit peu les studios de la radio, les coulisses, la préparation de l'émission, tout ça. Et surtout pour lâcher vos messages, des messages d'amour, d'amitié, des dédicaces. Et si vous souhaitez faire la promo de quelque chose, par exemple une soirée, quelque chose que vous organisez, la promo d'une page Facebook, d'une page YouTube, si vous faites des créations par exemple, si vous recrutez du monde, si vous cherchez un emploi, si vous en proposez aussi, bref, c'est vraiment une radio libre jusqu'à 22h. Vous faites ce que vous voulez et les messages que vous diffusez, eh bien je les diffuse.